Vous le voyez, monsieur, les choses sont bien passées. Cela a été complet. Si c'est un cri d'horreur qu'on a voulu, on l'a. La ville étant bâtie en amphithéâtre, on voyait cela de toutes les fenêtres. Les regards plongés dans le jardin. La foule criait « Shame, shame !» Des femmes sont tombées évanouies. Pendant ce temps-là, Fouquet, le gracier de 1851, se repent. Le bourreau a fait de Tapner un cadavre. La clémence a refait de Fouquet un homme. Dernier détail. Entre le moment où Tapner est tombé dans le trou de la trappe et l'instant où le bourreau, ne sentant plus de frémissement, lui a lâché les pieds, il s'est écoulé 12 minutes. 12 minutes. Qu'on calcule combien cela fait de temps, si quelqu'un sait à quelle horloge se comptent les minutes de l'agonie. Voilà donc, monsieur, de quelle façon Tapner est mort.